Après le 1, y'a le mieux. Le 2, le 4, ça nous coûtera cher, mais l'instant est cool. Sa mère coule, ça gère le court trajet, mais rinstand. Écoute ça, mec, avec moi. Le crous ramène et trouve le coup de la bière adéquat. On prend tous la même comme d'hab, mais on veut tous dans la bouche le goût de la bière Cobja. Les coups qu'on paye, qu'on reçoit, qu'on perd, qu'on soit, qu'on a attendu ça toute l'après-midi. Qu'on se perde ou qu'on soit tous un mec, que je fais un constat, je crois qu'on est tous pareils. Entre le pouce, l'index, moi j'épouse la verte boy, je m'allume en douce la mèche. Je suis saoul, j'ai la porc, un plan de ouf m'amène. J'attaque le roi par derrière pendant qu'il broute la reine. Mes gars sont lourds, je t'avertis. Un petit sourire en souvenir des calembours de la veille. On connaît tous la règle, enfin je crois. Nos chemins se croisent sans que les routes s'arrêtent. Viens pas foutre la merde, prends une grande blonde quand plonge. Mets du bon qu'on bouge la tête. J'attends que pousse ma crête pour participer. Quand t'es parti pisser, j'ai killé toute ta taille. Je rallume le cul de la vieille pendant qu'Azra mate ça et me dit t'abuses la mec. Après 12 garettes, si le briquet d'Ezra c'est dans la poche de la doublure de ma veste. Je crois qu'il éprouve la haine, mais j'ai pas peur quand t'as plugs dans ta barbe, il y a un bout de ta gerbe. Pousse-toi mec, neuroptique, mets la main au cul à Valka, croire qu'il est en couple avec. Quant à moi, je ne pense pas à demain, parce que mes reins c'est loin et j'aurais dû prendre la ture de ma mère. Ouais, j'aurais dû prendre la ture de ma mère. C'est l'endroit des verres qu'on vit vite. Plus j'en bois, plus j'emploie des prénoms fictifs. C'est mon droit quand j'ai envie de vivre. Ces endroits, selon moi, desquels on fuit vivre. C'est l'endroit des verres qu'on vit vite. Plus j'en bois, plus j'emploie des prénoms fictifs. C'est mon droit quand j'ai envie de vivre. Ces endroits, selon moi, desquels on fuit vivre. Ceux qui sont sobres s'écrivent. Vas-y, sors les yébis, c'est pour un shot de yébis. Je dis que ça fait des ordres. Mais désormais y'a pas d'alcool fort, y'a que des hommes faibles. J'ai envie de vomir. Ça fait maintenant 25 minutes que nous sommes dans nos locaux. C'est l'endroit des verres qu'on vit vite. Plus j'en bois, plus j'emploie des prénoms fictifs. Salut, moi c'est Kevin. C'est mon droit quand j'ai envie de vivre. Ces endroits, selon moi, desquels on fuit le livre. C'est l'endroit des verres qu'on vit vite. Plus j'en bois, plus j'emploie des prénoms fictifs. C'est mon droit quand j'ai envie de vivre. Ces endroits, selon moi, desquels on fuit le livre. Ceux qui sont sobres s'écrivent. Vas-y, sors les yébis, c'est pour un shot de yégui. Je dis que ça fait des ordres, mais désormais y'a pas d'alcool fort, y'a que des hommes. Putain, je suis déphasé, mon pote. Delirium numéro 2. Elle produit ça la prod 1. Bix Family, le cercle, et moi c'est tiré D. Oh là, j'arrive pas du tout là. Oula, prochain arrêt, Forum Mérin. Parce que Mérin c'est loin et j'aurais dû prendre la ture, ma mère.